Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So we're playing. Bon, bon, bon, je crois qu'il est l'heure de prendre l'antenne. Close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, il est 22h12, on a exactement 12 minutes de retard. Mais on tenait à s'excuser auprès du tonton Jojo Rizzo qui nous attendait fort depuis une demi-heure devant la radio. Ah, des déviations. Il y a des grandes déviations sur le quai de Strasbourg pour ceux qui connaissent Besançon. Un concert de Jay-Z. Ça va ou quoi, Jojo ? Comment ça va ? Ouais. C'est la reprise des vacances. Okay. Vacances, c'était bien. Bah écoute. Qui c'est qui a kiffé les vacances ? T'es en vacances, Jules ? Moi, j'ai kiffé. Hein. Je suis parti au Portugal un peu. Ouais. Ouais, j'ai vu des Portugais. Ouais. Ça va, hein, ils sont cool. Hein. Aux deux S aussi, je suppose. Ouais, mais j'étais pas avec lui. Je doute bien que tu vas pas rentrer chez toi avec lui. Hein, t'sais. Faut supporter. Hein. Donc, moi, comme d'hab, les plages de LA avec Samuel Jackson, normal, le poteau. Lourd. J'ai vu sur Insta. T'as vu ? Tu m'as vu ? J'étais chouette. Hein. J'étais chouette. Hey, alors, bonsoir à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise, retour des vacances, la petite chronique de Jojo. J'ai la chance d'avoir 2 heures ce soir, beaucoup plus de temps. Merci à l'équipe. Et ce soir, donc on va passer par plusieurs trucs ce soir. J'ai fait une petite sélection de sons de personnes qui n'étaient pas trop en avant. Certaines plus que d'autres, je me suis fait plaisir. J'ai pris des projets aussi en cours qu'allaient sortir, des trucs qui se préparent chez plusieurs MC, surtout de la France, Nord, Sud, Est, Ouest. Et Kamini, c'est le number one, c'est très bien, gros, arrête, commence pas à tailler Kamini, tu sais très bien là. Donc voilà, une petite chronique de Jojo ce soir, sur beaucoup de découvertes. Et toujours les petites discussions simples, nettes et précises. Yes. Petite précision, comparée à l'année dernière. Donc Jojo, il l'a dit, l'année dernière, il avait une chronique une fois par mois qui durait entre 20 et 30 minutes. Et on s'est rendu compte que il en avait gros sur la patate, le Jojo. Il avait peut-être aussi envie de parler un petit peu plus. Donc non, avec plaisir, on t'a proposé un peu plus de temps parce que voilà, c'est normal. Et je pense que c'est cool aussi de pouvoir découvrir, comme tu fais, faire découvrir aux gens des artistes et tout ça. Quoi. Ça fait bien plaisir. On va monter une bonne petite émission pour ce soir. Yes. Donc comme j'ai dit, on fera découvrir plusieurs artistes qui sont un petit peu dans l'ombre, d'autres artistes qui sont un petit peu moins mais qui font de la lourdeur totale. Et puis voilà quoi, dédicace à tous les auditeurs. Donc comme j'avais dit, vous pouviez nous suivre sur Radio Sud Besançon.net. J'avais mis le petit message pour les gens qui n'étaient pas de Besançon. Donc gros big up à tous les auditeurs qui sont pas de Besançon, qui sont derrière le poste, qui écoutent en ce moment. Dédicace à toutes les équipes. Big up à Travis Scott. Surtout lui. Non, pas Kanye West. Il a plus assez d'argent. Il a plus assez d'argent, on peut plus le big up. Il est plus stan, ça y est. Et au passage, moi je fais un petit big up à DJ Masta. Du coup, j'ai mis sa mixtape Voilà du rap français volume 2. Qui est disponible sur la chaîne des puristes. J'ai mis ça un petit peu en fond, histoire de, histoire d'habiller un peu tout ça. Et j'en profite, il me semble que c'est demain soir, DJ Masta, DJ Menace au Tandem, il y a une petite soirée. Donc ceux qui aiment bien le bon son et la bonne boisson, n'hésitez pas à passer. Besançon, je fais que des rimes, tu vois ce que je veux dire. Tu seras toi? Moi je pense pas, je serai peut-être pas disponible. Mais en tout cas, si vous êtes sur Bezac, que vous êtes en ville, demain soir au Tandem, DJ Menace, DJ Masta. Tu seras où? Ouais, est-ce que c'est ton problème ça? C'est incroyable de s'immiscer dans la vie des gens comme ça, ça commence vraiment à devenir... J'ai cru qu'on était copains. Moi. Ce soir aussi, on en profite en petite information. On en profite ce soir pour dire qu'il y a le poteau d'Avodka qui est chez nous ce soir pour la rentrée des étudiants en concert. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous dire où c'est. C'est aussi, ouais. Parce que... Ça sera pas mal. Parce qu'on a vu c'est la rentrée des étudiants d'Avodka, mais on sait pas où c'est. Donc essayez de nous-mêmes, on ne sait pas où c'est. Donc, si vous pouvez nous envoyer le lieu. S'il y a des personnes qui veulent appeler ou je sais pas, ou dites-nous où c'est, parce que bon, voilà, ça ferait plaisir d'aller checker le poteau. Que, c'est sûr, ça a besoin de bien. Ouais, sûr. Ouais. C'est sûr. Écrit 19 septembre. 19 septembre. Y a pas d'heure, y a rien. La rentrée des étudiants, et c'est sur Besançon, mais j'suis voilà. Je suis sûr, c'est au QG. On n'a pas plus d'informations, donc voilà. Mais bon, on big up quand même l'initiative, donc en parle. Yes. Mais bon, voilà. Donc, ce soir, on va commencer doucement. On va commencer par ma petite sélection d'artistes que j'ai faite. Des artistes de partout, qui viennent partout de la France. Des artistes qui sont plus ou moins dans l'ombre, qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une énorme exposition, tout ça. Il y a pas mal de monde ce soir. J'ai fait quand même une bonne sélection. Oui, une vingtaine de sons, là, je vois. Ouais. Yes. À peu près une vingtaine de sons. Donc on va commencer doucement par, je vais commencer par ma préférée, donc ça sera la petite Sarah. La petite Sarah, elle a 9 ans, c'est la fille du frérot Reno, des Troubles Fêtes d'ailleurs, dédicace à toute l'équipe, Beefmaker, Dem, Nasmeu, toute l'équipe. Donc c'est sa fille, elle a 9 ans, elle charbonne au mic, et il faut savoir que demain, elle fera la première partie de Rodiga et Bahamadja à la Bellevilloise à Paname demain soir, donc vendredi. Donc si vous êtes du côté de Paname, n'hésitez pas à aller là-bas. Et voilà, donc on va commencer par le morceau de Sarah. Donc c'est le retour de la petite peu sur une prod de Stress. Voilà, sur la 25e, la petite chronique à Jojo. Elle a 9 ans. Ouais, elle a 9 ans. Et c'est du pura. Ouais, elle rappe, ouais. Voilà. C'est la fille de Reno des Troubles Fêtes. Donc, elle charbonne depuis qu'elle est type. Elle écrit. Elle travaille dur. Beaucoup plus dur que d'autres personnes pour en plus entrer. Demain, elle fait la première partie, justement, je répète. Première partie de Rodiga et Bahamadja à la Bellevilloise à Paname. Big up à Sarah sur Radio Sud, la 25e. Stress fait maison prod. C'est Sarah Titouno Mike. C'est la petite peu qui revient. On est là. C'est le retour de la petite peu. Ce qui que ça sale et pas qu'un petit peu. Je rap, je chante, je fais ce que je veux. En freestyle, je te montre ce que je vaux. C'est le retour de la petite peu. Je kick ça sale et pas comme petit peu. Je rappe, je chante, je fais ce que je veux. En freestyle, je te montre ce que je vaux. Comme arsenic, je boxe avec les mots. C'est le flow qu'il faut, celui qui te fait kiffer. Fier d'être la fierté de mon papounet. Chez où il est, chez nous, y'a pas de papa où t'es. Aiguisés sont mes couplets. Si tu kiffes pas, bah t'as qu'à pas écouter. À peine 10 piges, j'arrive, personne s'en doutait. T'as sûrement remarqué que je manquais pas de couper. Mon père m'a dit méfie-toi vu que tout est truqué. Mon père m'a dit ma fille faut que tu sois futée. Pour tes idées faut que tu sois prête à lutter. Ouais papa je vais t'écouter. C'est le retour de la petite peu. Je kick ça sale et pas qu'un petit peu. Je rappe, je chante, je fais ce que je veux. En freestyle je te montre ce que je vaux. c'est le retour de la petite peu. J'kick ça sale et pas comme petit peu. Je rappe, je chante, je fais ce que je veux. En freestyle, je te montre ce que je vaux. Toujours présente, j'ai pas changé de visage. J'suis pas là pour vous faire rêver tel un mirage. C'est pas en gardant les yeux rivés sur le rivage qu'on pourra donner de nous une bonne image. Je vous préviens tout de suite, mes chansons passent par radio, net, télévision. Mais on a rien à foutre, y'a quelque chose à dire. Femmes sont proches. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Voilà, c'était la petite Sarah, le retour de la petite Peu sur une prod de stress. Gros big up à elle. Gros big up à Renault et toute l'équipe, comme je disais. Donc, t'as vu, ouais, t'as eu 9 ans. Mais la petite charbonne, travaille l'écriture, essaie de bosser un maximum, tu vois. C'est elle qui écrit ses textes? C'est elle qui écrit ses textes, okay. en co-écriture avec son père. Avec son père machin, mais elle bosse de son côté aussi, elle charbonne, elle fait le truc, quoi, tu vois. Okay. Donc, vu son âge, c'est quand même extraordinaire, quoi, tu vois. J'avoue. Elle pose plus dans les temps que certains, tu vois. Donc... J'avoue, c'est propre. On veut des noms. Non, c'est fini, là, on est là. Il n'y a plus de débat, c'est fini, tout ça. On ne fait que présenter des artistes, tu vois. Donc voilà, c'était ma première artiste de sélectionner ce soir. La petite chronique à Jojo. Donc là, on va enchaîner aussi sur un petit ref, sur un petit frère. C'est Valdo. Valdo, c'est le fils à Médé. Donc pareil, dédicace à toute l'équipe qui l'habille sur Paname. Et on va mettre le son de Valdo, on va mettre le son Lingo du petit frère Ovaldo. Donc gros big up à lui, gros big up à toute l'équipe. Quel âge Valdo? Valdo, il a, attends pas que je te dise de bêtises, il doit avoir 13-14 ans, il me semble, un truc comme ça. Tu vois, si je ne me trompe pas, peut-être je te dis des bêtises, mais c'est, ouais, ça doit être autour de ça. Je te vois un peu comme Martin, là, comment il s'appelle? Martin? Le truc des enfants, là, qui faisait chanter les enfants. L'école des fans. Ouais. Non, mais en fait, tu vois, si tu veux, en fait, je t'en... Moi, j'ai été gamin, j'ai fait du rap très tôt, et nous, quand on était petit peu, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, on n'avait pas tout ça. On allait, même pour avoir un studio, c'était une galère de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que moi, à leur âge, j'aurais aimé que quelqu'un, il me fasse passer en radio, truc. Et maintenant, comme il y a plus de facilité, bah, c'est vrai que je me mets à la place des jeunes, on va dire. Et voilà, tu sais, ça, c'est sûr que ça doit leur faire plaisir de s'entendre en radio, tu vois, sur des petits sons, trucs comme ça, quoi. C'est non, normal. Donc le son Lingo. Voilà, le son Lingo du petit ref Valdo. Gros big up à lui. Gros big up à Mede. Allo Paris, ici Valdo, pas besoin d'être une médaillon, je suis trop flex. Ici c'est Valdo, en un couplet je les mets KO, j'avance en solo, je répare pas mon cœur, fuck un mécano. 75 carats sur ma Rolex, là on sera quitte, à l'hôtel je la ken, par message la tège, et par moment ça m'arrive de penser, marcher sur mes principes pour avoir le classé, j'invoque des classiques en claquette. On t'attend sur la pute, je sais pas si je serai là en fin de semaine, en attendant je dois mes débuts. Tout pour la mif, voilà le mot d'ordre, j'irai pour faire la diff sans prendre le décor. Faut pas que la fin soit trop gore. Chez moi c'est la disette, j'ai dû sortir quelques disquettes pour l'avoir dans mon bed. Je pense à l'avenir, je suis un bédo. Faut que j'aille dormir, apparemment demain appartient à celui qui se lève tôt. Allo Paris, ici Valdo, pas besoin d'être une médaillon, je suis trop flex. J'ai pas assumé mes derniers joints, je suis pas prêt pour mon dernier jour. Je vais tous ses genoux, me faire la cour, et j'en rigole. Si tu pars, tu ne reviens pas. C'est le 17, t'as senti la tête, pas t'entends même pas la réplique. Tu dis que tu m'aimes, tu connais la réponse. Switch-up au panier, pas la peine de lancer le compte. Allo Paris, ici Valdo, pas besoin d'être une médaillon, je suis trop flex. Bébé, pardon, des lingots, j'en veux en millions. Allo Paris, ici Valdo, pas besoin d'être une médaillon, je suis trop flex. Je vois ma flamme qui s'éteint, les flammes qui se rapprochent. Si tout se passe comme prévu, dans moins de 4 ans, je suis pété dans la Porsche. Je vois ma flamme qui s'éteint, les flammes qui se rapprochent. Si tout se passe comme prévu, dans moins de 4 ans, je suis pété dans la Porsche. Je reviens d'un endroit où y'a du magma. Pour habitude de traîner dans les parages, il faut du bif pour exister dans ce monde de paraître. La vie me rend parano, tu l'entends quand la mort me rappelle. Allô, Bercy, bientôt j'arrive. La défaite laisse un goût amer. J'aime pas trop les gens. Je préfère les cours de géo de ma vie, je suis le gérant. Comme tes rappeurs, soi-disant sur le terrain, je dois bâtir mon empire plus fort que ces bâtards. On verra le jour du jugement dernier qui aura tort. Allô Paris, ici Valdo, pas besoin d'aide, ni de médaillon, j'suis trop flex, bébé, pardon, des lingots, j'en veux en millions. Allô Paris, ici Valdo, pas besoin d'aide, ni de médaillon, j'suis trop flex, bébé, pardon, des lingots, j'en veux en millions. Allô, allô, allô, allô. Allô, allô, allô, allô, allô. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. On est toujours sur Radio Sud 101.8, Radio Sud.net. Ce soir, c'est la chronique de Jojo. Il est 22h27. On lui a laissé carte blanche jusqu'à minuit. Donc, ça, c'était le son de Valdo. Valdo. Du petit refrain. Valdo. Yes. Lingo. Donc, pareil, c'est. C'est un petit ref, il est très jeune, il travaille beaucoup, il taffe beaucoup dans son coin, il fait le maximum. Tu vois, donc voilà, c'est pareil, c'est gros big up à lui, gros big up à Médé, son daron, toute la famille là-bas, tout qui le bise. Yes. Qu'est-ce que tu nous as concocté encore? Ouais, j'ai plein de surprises ce soir, j'ai emmené plein de surprises dans ma besace. Ce soir, vraiment, comme j'ai dit, on va faire de la présentation, comme je disais, je vais mettre en avant plusieurs artistes qui seront bien contents de l'être. Big up à tous les auditeurs qui écoutent d'ailleurs. Là, c'est la reprise. C'est la rentrée de vacances. On est en vacances. On ne l'est plus. Le travail a repris. Tout a repris. Ah, C'est dur. Les douleurs dorsales aussi. Les pronostics sportifs qui tombent à l'eau. Non, même pas. Si, un peu. Non, même pas. Oh, un peu, Jones. Non, parce qu'il y a un nouveau pronostiqueur là qui est en vogue là, Besançon. Ah ouais? Ah ouais, je suis qui fort. C'est The B Prono. The B Prono. Mais ça fait pas longtemps, c'est tout récent. Il met les darons, les tantines à l'abri, tu vois. Il abrite les tantines, tu vois. Putain. Non, ça se passe. Il a une petite communauté qui se forme. Ce soir, je crois qu'il a fait un pari ce soir. Hein. Ouais, mais c'est pas fini. 90 minutes le match. Tranquille. On parlera de ça après. Qui c'est qui a parié contre Paris hier hein, ah, soirée. Non, il a mis Prono, il a mis Madrid. Il a mis 20, ah oui, ben il voilà. Mais il avait prévu. Hein. Il a mis 24 000 pour Madrid. À ne pas écouter. À ne pas écouter, quoi, au final, tu vois. Et voilà, problème. Bon, allez, on va enchaîner directement avec. Un petit son de Négrosor, dédicace à Mozinkou, Marcus R, la famille frère, là il est dans du charbon, son album est presque prêt, les choses se font lourdement sur Paname, le Zinkou avance, fait ses bails, on est très très très très très content, là ça va sortir de la patate, donc ça c'est un extrait, c'est une exclu, frérot m'envoie une exclu. Qui est tiré de son projet, qui va arriver bientôt. Donc c'est le son Interdiction sur une instru de Gamni. Et ouais, le frère est chaud, bouillant et il va boxer ça sale. Donc gros big up au frérot Marcus Négrosor, fait le taf. Il va cogner ça sur Radio Sud, la 25e. Tu connais le refrain, mais pas mes refrains. Tapis dans l'ombre à l'abri de te traiter. Parti d'Orient, ça capare tout le terrain. Passe ton chemin, on passe la main gauche, mais pas de panique. Si tu parles pas de ma clique, platonique sur mes acolytes. Flancher, interdiction, perdre, interdiction, fuir, interdiction. Ici, le poids, tout se passe sous pression. Ballon, interdiction, rêver, interdiction. Tout le monde est en vrai, interdiction. Ici, le poids, tout se passe sous tension. Flancher, interdiction, perdre, interdiction, fuir, interdiction. Ici, le poids, tout se passe sous pression. Ballon, interdiction, rêver, interdiction. Tout le monde est en vrai, interdiction. Ici, le poids, tout se passe sous tension. Trop de tension, donc on est passif. J'ai le penché donc attentif, à chaque pas je peux passer si t'es sous terre. Perdre un frère, perdre les nerfs. Trop de pression de colon passif. Puis j'ai le penché donc attentif, à chaque pas je peux passer si t'es sous terre. Perdre un frère, perdre les nerfs. Baisser les bras, interdit. Galoche une tasse, interdit. Fumer tout le bénéfice, interdit. Interdit. Donner ses fesses, interdit. Oublier ses racines, interdit. Balance un frérot, interdit. Interdit, interdit. Plancher, interdiction. Perdre, interdiction. Fuir, interdiction. Ici le poids, tout se passe sous pression. Voilà, c'était Négrosor, Interdiction. L'album arrive bientôt. Le truc se bosse, ben voilà, se bosse exactement comme le son. Solide et violent. Énervé et violent. Vénère. Gros big up pour Ruff, gros big up à lui. Et ben là, on va enchaîner direct, vu qu'il y a quand même pas mal de sons. On va enchaîner direct par le frérot Sekel. Sekel du 9-1, donc de la clique LBN. Qui est à sauce de dingo, qui nous a sorti là un clip la semaine dernière. Donc le titre c'est Folle Époque sur une prod du poteau Zaka Prod, qu'on check d'ailleurs. Et ouais, c'est quel pareil, c'est quel, il sort trop de bail. Le mec est trop productif et à chaque fois il y a la qualité, il y a tout ce qui va derrière. Donc un gros big up à mon refrain, c'est quel, un gros big up à lui. C'est quel du 9-1, ça me dit quelque chose ça. Si, hein, si, bah il bosse de ouf, tu vois, il fait les bails. Petit contretemps au niveau du bail. Je suis en train de chercher là, c'est quel. Ok, mais oui, on entend. Si on entend un peu des ricanements, c'est que Théo2S mécontent. Il est mécontent de son quoi, de son tacos. Ouais, il y a du cordon bleu à la fin, j'en avais pas demandé. Voilà. Je raconte ma vie, voilà quoi. Ouais, mais bon, c'est pas une raison de polluer avec l'antenne, tu vois. Je voulais que les gens partagent ma douleur. Comprennent ta douleur. Et la partagent. Bah non, c'est toi qui partages. Non. Juste un petit contretemps avec le son du frérot Sekel. On trouvera après. Donc on va enchaîner. Avec une grosse exclue du frérot Fidzi. Fidzi qui prépare son album. Donc là c'est du lourd, du haut niveau. Donc il m'a envoyé une exclue de son album Petit Haut qui est en préparation. Donc c'est le morceau Sablier sur une prod de son frère Morne Rouge. Et voilà, c'est issu de son album en préparation. Petit Haut, donc Fidzi, dédicace à tous les boucs de boboche, une pensée au frérot l'indice. Et voilà, gros big up.

Mais ça c'est le label, c'est le label à Jimmy. C'est franchement. C'est différent, t'as vu ça, c'est ça. C'était costaud. Après l'instru, on est totalement dans les années 2000, début d'année 2000. Mais ah, ça kick, tu vois, c'est américain, voilà. On est ouais, au States. Ouais, ouais, mais c'est ça de toute façon, hein. C'est ça. Hein. Oh, là. C'est le délire, hein. Tu vois, même les images, là, le taf de rime, tout ça, c'est dans le délire et c'est totalement ce qu'on aime. Quand j'entends Soprano, je pense, ah non. Non. Non, lourd. La gifle. Donc là, on va enchaîner avec l'assista Sirène, ma sœur de Brest, qui prépare aussi son album, qui a sorti cette semaine. Déjà, elle a sorti la 9e vague. Il y a eu 9 vagues de sorties depuis le début. C'est des petits freestyles, des concepts freestyles de morceaux qu'elle fait. Et pour moi, personnellement, elle fait partie des femmes les plus fortes de ce pays qu'on met pas en avant. Tu vois, qui n'est pas assez mis en avant. Je fais pas de. Comme j'ai dit, je me soigne contre les débats houleux, tout ça, mais je trouve qu'il y a des meufs dans ce pays qui sont trop mis en avant, alors que. Ouais, voilà, elles savent rapper, mais c'est bon, tu vois, sans plus, il n'y a pas de truc. Alors que Sirène, pour moi, franchement. Ouais. Après, c'est bon, c'est son avis, chacun son avis. Hein, les auditeurs aussi se feront leur avis après écoute. Et vous-même, pareil, mais ouais, pour moi, l'assista, elle n'est pas assez mise en avant. Donc en fait, gros big up à elle, gros big up à Sirène. Gros big up à Pushka de Brest. Ouais, mais non, tu vois, t'es tombé dans le panneau parce que c'est pas la sirène qui squatte dans l'eau, c'est la putain de sirène, frère. Tu vois, genre des ambulances, des feux, de ce que tu veux, frère. Le truc qui alerte direct, qui met. Pour l'avoir vu au festival au plan B, elle tourne. Du coup, franchement, lourd de ouf. Elle est solide. Franchement, lourd de ouf. Elle est solide. Elle est ben justement, tu vois, pas assez parce qu'elle est pas assez programmée, c'est ça que je te disais. Okay. Moi, ça me gêne, tu vois. Parce que par rapport au talent qu'elle a, par rapport au ben non, tu vois, je trouve qu'on lui met pas assez de scène dans les pattes. Tu vois ce que je veux dire. Vas-y. Et même pas assez d'exposition. Moi, je pense que, je te dis, il y a des meufs en France, elles sont surexposées et elles manquent cruellement d'exposition. Donc, gros big up à ma sœur Sirène. Et là, tout de suite, on envoie la vague 9. Dans la 25e, dans la chronique de Jojo. Jojo. Traumatisé, de bout en qu'il reste, tu traumatisé. La conscience dit relativise. D'une étincelle née un feu d'artifice. Des cernes sous les yeux, trop fatigué. Déçu en partie ou en totalité. Pas de moralité, pas de raison valable. Chacun poursuit son voyage. Le cœur en dérive comme les continents. Les traités de pute seraient un compliment. Quoi qu'on en dise, la vie continue. Vécu sans amour, c'est la sombritude. Des mondes contigus, des destinées se croisent. Pas de signe d'espoir, illégal comme l'homicide. C'est plus de la haine, c'est de la politique. Le parfum tenace de l'échec à son mordre les lèvres. Il est trop tard lorsqu'on se réveille. La colère est mauvaise conseillère. Difficile de se réconcilier. Je vois qu'on sait ce qu'on sait faire de mieux. On avait l'ambition d'être heureux. 29200 lieux sous la mer. Il reste tout à faire. Pluie diluvienne. Vide résiduel, habituel comme lundi après dimanche. Faire preuve d'intelligence, l'odeur d'essence a remplacé le parfum des fleurs. Calme intérieur, après l'automne vient l'hiver, le printemps après lui. Il est temps d'atterrir, imagine animé, cendre en héritage. Partir en fumée est inévitable, sans territoire, loin des rivages. Attache ta ceinture à l'atterrissage, étale la peinture sur les murs de la ville. Ni le plus fort, ni le plus fragile, le temps cicatrise, les blessures ravivent. Jurer sur ma vie, c'est de la sauvage. Pure. Les vagues scélérates emportent nos habitudes. Prendre l'altitude, change d'attitude. Surréaliste, chiffre dans la figure. Durer la vie, c'est ce qu'on dit au môme. Ceinture noire sur le kimono. On a joué, c'était qui tout double. Chaud et violent comme le sirocco. Le ciel est maussa comme les émotions. Le cosmos, les étoiles, les explosions. Dis-lui si tu l'aimes car la vie est courte. Les cœurs brisés finissent tristes et sous. Lentement les falaises subissent l'érosion. La loyauté et la dévotion. Les idées floues, les yeux crachent des flammes. Carambolage sur la trajectoire. Le parfum tenace de l'échec à son mordre les lèvres. Il est trop tard lorsqu'on se réveille. La colère est mauvaise conseillère. Difficile de se réconcilier. Je vois qu'on sait ce qu'on sait faire de mieux. On avait l'ambition d'être heureux. 29200 lieux sous la mer. Il reste tout à faire. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'était l'assistant Sirène avec la vague 9. Donc voilà, comme je disais, la serait. Moi, pour moi, je la trouve trop loin. Elle est, tu vois, elle est ailleurs. Elle est dans d'autres. Dans d'autres galaxies pour moi, voilà. Donc Sirène. Gros big up à elle et gros big up à tous les Brestois. Le Nord, le Schnorr, le Schnorr. Brest, c'est pas trop. L'Ouest, l'Ouest. Ouais. J'ai eu un doute là. J'ai regardé ta tête. Il avait une boutade. Il avait une boutade au coin de la lèvre. Donc okay. Voilà. Là, on va enchaîner direct. On va enchaîner. Il y a le poteau Falcor. Falcor qui prépare son projet aussi. Qui est super déter, qui taffe super bien. Là, il m'a envoyé un petit son dont le clip sera dispo le 18 octobre. Donc, c'est le vert du décor. C'est le poteau Falcor. Et ouais, pareil, c'est. Moi, je trouve qu'il est pas assez exposé. C'est pareil. Donc, gros big up à lui, gros big up au charbon qui fait tout le temps, même dans l'ombre. Et. Petit contretemps avec le son du poteau Falcor. Désolé ma gueule hein. Putain. Qu'est-ce non mais a... c'est pas grave, c'est rien. On vend. Non on a une vieille machine gros, on a une vieille machine, elle lit pas le wave. Le morceau c'est une exclu, on peut le choper. Le morceau c'est le vert du décor. Donc il me semble qu'il a tissé le morceau et le clip il sera dispo le 18 octobre. Ah ok. Donc dans tous les cas de toute façon c'est pas grave. Même on le repassera dans l'émission, il n'y a pas de galère. De toute façon, même s'il y a des soucis avec des sons ce soir, on a un petit problème avec l'ordi, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on lui fait la pub. Donc le vert du décor, le clip sera dispo le 18 octobre. Et de toute façon, on vous repassera le morceau dans l'émission. On refera un gros big up. Ben là, on va enchaîner avec le frère Rifa, alors. Le R. Yes. Bruno, le frère Rifa. Donc pareil, là il y a sa poignée de punchline qui arrive à la fin du mois. Mais qui c'est qui fait les poignées de punchline? C'est Deparwan, c'est le poteau Deparwan en Belgique. Gros big up à lui d'ailleurs. Et c'est lui qui gère ça, c'est lui qui a la base de cette initiative. Il envoie la prod Non, en fait si tu veux, ce qu'il fait c'est qu'il te met de l'exposition. Parce okay. qu'il est quand même bien exposé en Belgique, il est pareil en France. Et si tu veux, moi personnellement, en ayant fait la poignée de punchline, je dois dire que c'est quand même quelque chose que, à l'époque, avant même de sortir mon album ou quoi que ce soit, si tu veux, la poignée de punchline, quand même, elle m'a permis d'être écouté plus largement que ce que je pouvais, ce que je touchais à la base, quoi, en fait, tu vois. Juste, en gros, il choisit un rappeur et. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, il y a un concept. Tu postules. Il y a 20 mots. Ouais, non, mais avant d'arriver à. Ouais, tu lui envoies un message, voilà, tu lui envoies un message, et en fait, lui, des fois, il va choisir des coups de cœur. Et sinon, tu lui envoies un message, et comme il y a pas mal de monde, en tout cas, il essaye toujours de caler. Ok. Il y a un concept dans la poignée de punchline, c'est qu'en fait, si tu veux. Quand il annonce le MC, il demande aux internautes de choisir des mots. Et ces mots-là, en fait, seront regroupés à la fin. Il y aura 20 mots que le MC devra placer à l'intérieur de son texte. Donc, c'est ça le concept à la base de la poignée de punchline. La plus lourde que j'ai entendue, c'est celle de Lio Favela. Ouais, Lio a brûlé ça salement. Lio a brûlé ça salement. Grave, mais il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu celle de Jeff aussi. Celle de Jeff et Ypralo. Il y en a combien de Besançon qu'on participe à ça? Je te dis pas, il y a. Alors attends, je vais dire, il y a Frère d'Armes. Ouais. Il y a Frère d'Armes, il y a Lio, il y a l'assista. Moon. Ah oui, c'est et vrai. Moi-même. Ah ouais. Et moi-même, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Quatre, ouais, c'est voilà, on c'est est ça, deux, quatre. Pour l'instant. Mais ouais, Charles, franchement. Gros big up à Deparwan parce que ouais franchement ça met une bonne exposition et puis ça permet aussi voilà de montrer chacun dans son truc comment quand t'as 20 mots ce que t'en fais et comment tu transformes ça. Est-ce donc là que... maintenant non, dis-moi, t'as le droit. Est-ce que tu penses que si je lui envoie un petit son un peu trap, je peux faire une poignée de punchline à la trap? Tu faut lui envoyer. Faut lui envoyer, frère. Okay. Faut lui envoyer, tu lui envoies, il écoutera dans tous les cas et t'auras une réponse dans tous les cas. Vas-y, vas-y. Donc là on va enchaîner avec le son du frérot Rifa, à qui je place un gros big up, le R Rifa MC mon refrain. C'est parti tout de suite, numéro 10. Je suis dans la surface comme le frérot Najim. Gros, si je tire, c'est direct en lucarne. Ouais, je suis déter, c'est pas ce que t'imagines. Ils partent de mon level, ils n'ont même pas le car. Je les vois parler de calibre, ils n'ont même pas les balles. Ok, ne dérange pas, là on parle de bail concret. Tu voulais du lourd, tu voulais du lourd. Tu toques à la bonne porte, non, tu t'es pas trompé. Je suis bien meilleur que les rappeurs que t'écoutes. Je peux t'avouer, ce que j'entends me dégoûte. Tout comme l'instru, tu vas manger des coups. Ok, tu veux rapper, viens, je vais te donner des cours. On m'a dit, prends le micro, dégomme les tous. Le peur à ça se pique, c'est comme les 12. Vas-y, prends le micro, dégomme les tous. Le peur à ça se pique, c'est comme les 12. Je cogite, je regarde vers le ciel. Ça brille dans ma tête, je suis à deux doigts de craquer. J'ai perdu du temps, maintenant faut le rattraper. Si tu veux la victoire, pas le choix, faudra marquer. Tu parles de rapidité, mais t'es un peu trop lent. J'apporte la qualité comme de la bedolande. Tu parles de rapidité, t'es un peu trop lent. J'apporte la qualité comme de la bedolande. Yeah, yeah, yeah. Ma vie c'est un film, je te dis pas le scénar. Cartel c'est la mif de Panama, Seymar. Frère on vient de la rue, ouais. Je peux durer qu'un que mec qui n'a pas d'armes, c'est rare. Fais pas la resta, je m'en tape de sévère. M'appelle pas fiston, car j'ai qu'un seul père. Je t'annonce la couleur, toi t'as qu'une seule paire. Chez toi t'es Tupac, ici t'es son père. Hey. J'ai pas la tête de l'emploi, grosse boule à Z comme Heisenberg. Regarde tu sens la patate dès que j'entre en scène. Je les vois tous me dire Rifa rentre dans le cercle. Les refrains m'appellent pas si c'est pour un gramme. Encore moins si c'est pour un chrome. Quand ça va mal, je me roule un cône. Pour décompresser, je vais en week-end à dame. Je me rappelle de l'époque où je traînais dans les halls. La voisine du haut sentait la peuf d'en bas. Conso dans les couilles, toujours faire attention. Car il suffit d'un rien pour que les keufs t'embarquent. Je regarde vers le ciel. Je suis à deux doigts de craquer. Je regarde vers le ciel. Je suis à deux doigts de craquer. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Aïe. Comment ça va, les refs? Comment ça va? Bah écoute, on est toujours là. Hein. Nous, on est en mode. En fait, on est presque en mode auditeur. Ouais, quoi. Moi, on écoute. Ouais, c'est bien. En même temps, c'était comme ça. En plus, j'ai vos avis sur le. Sur les présentations de d'artistes ici, c'est bien aussi, tu vois, ça anime le truc. Yes. Avoir vos avis aussi, voir ce que vous en pensez, tout ça, c'est bien, ça change un petit peu. Je voulais repartir sur un peu du différent, tout ça. Bien sûr. Tout en gardant les bases, mais voilà, faire un petit peu ce soir, voilà, pour mon retour de vacances, the return. Moi, j'ai pas perdu ma soirée. J'ai marqué, j'ai mes deux titres, j'ai Fizzy Pizzy et puis Just Music là. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas encore fini, mais je savais que ça allait. Quelque chose me disait que c'était des sons qui allaient te plaire, mon Jones. Hein? On dirait que je fais un yeux. Ben non, mais ça.